Tschüss, Mediatopteur. De gain sur l'ampli. Gain. Ah, mais tu peux jouer en 15 watts ? Ah, ça marche pas en 15 watts. Ah, si, 7 watts. Reverb 50. Pourquoi? Ah oui, il y a une reverb. Problème, c'est les niveaux hein, sur ces trucs. Ça sature plus là. J'ai même pas assez de son là. Putain, pourtant j'ai. Alors là, c'est quoi? Orange rock, rock reverb. Atténuateur, c'est quoi ça? C'est ça, c'est ampli de tube. Alors là, c'est carrément un ampli. Et puis moi, j'ai pas mis d'effet, j'ai rien mis du tout. À la Bilos. Enfin, il y a une reverb sur l'ampli. C'est. Attends, j'enlève ces effets sur ma voix, on comprend ce que je dis. Ouais, sur l'ampli, il y a juste une reverb. Orange Thunder Verb 200. J'avais déjà essayé une fois un orange, hein, ouais. Ça ressemble, hein. Avec deux canals, un clair, un saturé. Et là, je suis en canal clair avec un petit. J'ai mis le gain aux trois quarts. Par contre, la reverb, elle est vachement. Même un tout petit peu de reverb, elle est déjà forte. Shape, je sais pas ce que ça veut dire, shape. D'avoir un petit son. J'enlève toutes les basses. Mais ça marche pas. J'enlève les basses. Oh là, mais ça marche pas ça. Tu vois ? Les basses à fond. J'enlève un peu de gain. Je vais mettre à la moitié, tiens. Un peu plus de volume. Du coup, il n'y a plus assez de basse là. Bon, un peu plus de gain quand même. Allez, merde. Comme ça et comme ça. Par contre, la reverb est pas extraordinaire. Non, je suis trop fort, non? Pas de batterie, ça marche plus. Trop de reverb. Trop de reverb. Putain, j'aimerais bien sauvegarder. Comment on fait pour sauvegarder ça? C'est un saut antisocial, Titi.